ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Forum Jeunes qui traite des sujets qui passionnent les jeunes. On va parler de la charte de l'unité nationale qui fête son 26e anniversaire. En parlant de l'unité, on va plus aborder l'angle qui est souvent mis à côté, à savoir les couples mixtes. Entendez par là que l'homme et la femme sont d'ethnies différentes. Faut-il parler d'unité des ethnies au sein des couples, ou plutôt cela serait mieux si les partenaires formaient des couples mono-ethniques? Pour tenter de trouver des réponses à ces questions, nous sommes dans nos studios avec un homme qui a voulu réagir, mais de façon anonyme. Mais vous saurez qu'il est d'ethnie Hutu et qu'il a épousé une Tutsi. Bonjour et bienvenue. Nous sommes également avec Benny Ndayishimiye, conseiller conjugal. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La mise en onde est assurée par François Akimana. Au micro, vous êtes avec Alida Ndaikeza. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans l'émission Forum Jeunes. Entrer dans le vif du sujet concernant les couples mixtes, commençons par écouter ces jeunes de la ville de Bujumbura qui nous donnent leur point de vue sur ces couples et juste après nous revenons dans les studios. Pour moi, je pense que je veux être contre parce que premièrement en tant que jeune, nous les jeunes nous pensons que ça ne nous concerne pas. Si tu aimes une fille Tutsi ou Hutu ou toi, tant qu'elle est belle et que les relations passent bien, on pense que même dans le futur, en étant marié, tout va se passer bien. Moi, j'aime approcher mes parents, leur demander ces trucs-là, d'ethnie, pourquoi il y a des mésententes entre eux. Ils ne m'en parlent pas bien parce qu'ils ne veulent pas que je m'y base beaucoup, mais ils me disent comme ça, il faut choisir quelqu'une ou quelqu'un, que quand vous serez marié, vous serez en couple ensemble, vous puissiez bien échanger librement. Prenons que nous sommes Hutu et tu peux dire des blagues de Tutsi en les critiquant. Et elle, en étant Tutsi, elle peut le prendre mal. Toi, tu pensais que tu blaguais, mais elle le prend mal. Je pense que dans l'avenir, ça va changer. Mais pour le moment, en 2017, ces trucs-là d'ethnie n'ont pas beaucoup changé. Mais on a évolué un peu. Maintenant, on peut boire ensemble dans le même cabaret. Mais je pense que même si on boit ensemble, lui, quand même, il est Hutu, il est Tutsi. Moi, je pense même que si j'emmenais une fille à la maison, mes parents me diraient, est-ce que cette fille, tu connais de quelle ethnie elle est, de quelle famille? Je pense que je choisirais une fille de mon ethnie. Comme je sais que mes parents n'approuveraient pas, je me prive. Quand j'aime une fille, j'évite beaucoup ces relations parce que je sais que même si je m'aventure dans ces relations avec elle, je sais que ça va poser beaucoup de problèmes dans ma famille. Donc, je me prive de cela alors et je choisis une fille de mon ethnie. Nibaze ko ari kwihenda cyane gutwarana ubwoko bumwe n'umutotsi atwaye ngo umutotsi nkawe. Je pense que ces gens qui se marient sur base d'ethnie, qu'ils se trompent. Un Hutu qui cherchait une Hutu ou un Tutsi qui cherchait une Tutsi, c'est se tromper franchement parce qu'en amour, il n'y a pas d'ethnie. Le vrai amour ne se fonde pas sur les bases ethniques. Si un homme de l'autre ethnie me cherche, ce que je vais regarder ou analyser, c'est l'amour ou l'attention qu'il va me montrer. Je sais qu'il y a des familles qui entrent dans les relations de couple. Moi, personnellement, je leur dirais qu'en amour, il n'y a pas d'ethnie. Il ne faut pas trop considérer ce qui est dit par les familles ou les amis. Il faut juste se projeter dans l'avenir et voir si vous avez les mêmes objectifs pour mieux les atteindre. Parce que la plupart des couples que nous voyons, ils se séparent et les familles disent qu'ils se sont séparés à cause de l'ethnie, en disant que c'est l'autre ethnie qui a un mauvais caractère, alors que c'est faux. Premièrement, j'aimerais vous dire que je suis un jeune chrétien. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Mais bon, je ne dirais pas que tous les chrétiens sont pour. Ça, je ne sais pas, mais nous le voyons souvent. Des familles chrétiennes qui imposent à leurs enfants d'amener un fiancé qui appartient à leur ethnie. C'est pour ça que je dirais que cette position, c'est la mienne, puisque je n'ai pas encore atteint l'âge d'amener ma fiancée chez mes parents. Je ne sais pas la vie de mes parents très bien. Je crois que les jeunes sont en train d'évoluer. Ils quittent ce stade où ils imposent des limites par rapport à l'ethnie. Je dirais que avec la crise dont nous avons traversé, je crois que ça a ravivé les vieux trucs. C'est ce que je constate. Nous avons tous des amis et quand on est en couple, on veut savoir la vie de notre ami. Dans le domaine des fiançailles, je dirais, je crois qu'on devrait suivre ce que le cœur nous dit. Le message, c'est qu'on ne doit pas mettre de limites liées aux ethnies, car nous devons tous savoir que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Merci à François Hakimana pour cet élément. Revenons dans les studios. Vous venez d'entendre les idées de certains jeunes de Bujumbura. Il y a ceux qui sont pour et d'autres qui sont contre la formation des couples mixtes. Ma première question s'adresse à notre cher ami qui veut rester anonyme. Comment cela s'est passé pour courtiser votre femme qui est ethnie Tutsi? Quelles ont été les difficultés ou les facilités pour la voir, pour vous marier avec elle? Okay, merci de cette question. En fait, moi, j'ai fréquenté l'école primaire avec ma chère épouse. Oui. Donc, vous vous connaissez déjà il y a très longtemps. Oui, oui. Elle connaissait votre ethnie? Oui, oui, oui. Et toi également? Oui, oui, bien sûr. La famille? Bien sûr. Ok. Mm-hmm. Bien là, moi, j'étais en sixième année, alors qu'elle était en première année primaire. Mm-hmm. 5 ans de différence d'âge. 6 ans, je dis 6 ans. Eh bien, nous faisions l'encadrement en rentrant en provenance de l'école. Mm-hmm. Eh bien, elle connaissait ma famille parce que nous sommes de la même zone. Mm-hmm. Elle connaissait ma famille, moi aussi je connaissais sa famille. Donc cela n'a pas été difficile d'entrer dans cette famille parce que vous vous connaissiez déjà? Je ne dirais pas que ça a été trop facile, mais quand nous avons décidé de nous marier, je l'ai présenté chez moi et dans ma famille. Mm-hmm. Vraiment, tout le monde a accepté. Mm-hmm. Il n'y a pas eu de problème. Mm-hmm. Et les membres de ma famille ont dit qu'ils vont me soutenir. Mm-hmm. Sans poser aucune condition. Est-ce que le passage du cadre amitié au cadre couple-mariage, oui, ce passage, ça a été facile? Oui, oui, ça a été facile pour nous parce que la fille n'est pas extrémiste. Mm-hmm. Moi aussi, parce que j'ai beaucoup d'amis de l'ethnie Tutsi. Ça ne cause pas de problème parce que j'évolue ensemble avec les Tutsi et les Hutus. Dans notre famille, il y avait des amis Tutsi qui venaient de temps en temps. Moi, je n'ai pas eu de problème pour courtiser cette fille. Mais quand même, tu as déjà entendu parler des couples qui n'arrivent pas à bien se former par cette contrainte? Mais oui, oui, oui, il y en a. Mm-hmm. Ça dépend des considérations de l'un ou l'autre. Mm-hmm. Donc, on peut dire que votre famille, c'est une famille, ou la famille de votre chère épouse, ce sont des familles ouvertes d'esprit. Elles sont ouvertes d'esprit pour accueillir celui qui vient de l'ethnie autre que la leur. Pour ma famille, là, je suis d'accord. Mm-hmm. Mais pour la famille de mon épouse, il y a une et une seule personne qui a voulu s'opposer. Mm-hmm. Donc, la difficulté. Oui, et c'est ça que je peux signaler. Mais quand même, lui, c'est une personne et qui a l'âge en plus supérieur. Et qui ne peut pas prendre des décisions pour votre couple, qui ne pouvait pas prendre de décisions. Mais non. Mm-hmm. Donc, cette personne avait été respectée. Mm-hmm. Donc, cette personne est respectée. Il a essayé d'influencer. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La fille a refusé, sa mère a refusé. Les autres membres de la famille ont refusé. Mm-hmm. Ils ont dit que qu'ils ne font pas déranger notre... Votre couple. Votre couple, mm-hmm. parce que pour le moment... On est en train d'évoluer, que ça n'a pas d'importance, que sûrement, il faut que si nous avons décidé de vivre ensemble, on va attendre le résultat, voir notre comportement, mm-hmm. et comment nous allons former notre couple, comment nous allons vivre, mm-hmm. et l'avenir surtout. Mais sûrement, une personne a voulu s'opposer du côté de la famille et de ma femme. Mm-hmm. Mais quand même, on peut dire qu'il y a un changement de mentalité dans vos deux familles. Oui, oui, oui. Ok. Béni, on a bien entendu que ces jeunes, qu'il y a des jeunes qui pensent qu'il peut y avoir un problème pour la formation de ces couples. Pour toi, en tant que conseiller conjugal, est-ce que vraiment ces inquiétudes sont fondées ou les jeunes se cachent derrière la famille ou les amis pour ne pas prendre leurs responsabilités, je dis bien, pour s'engager dans des couples mixtes? Voilà, alors ça va, tu viens de bien dire des réalités fondées. Mm-hmm. Voilà, d'abord, on peut commencer sur la genèse des choses. L'ethnisme au Burundi, ce n'est qu'une réalité fondée, influencée. Mm-hmm. Ça n'a jamais été une vérité patriotique. Mm-hmm. Parce qu'au Burundi, on ne peut pas parler d'ethnie si on sait la définition profonde de l'ethnisme. Mm-hmm. Alors que nous avons la même langue, la même culture, on n'a même pas des tribus ici, nous avons un même pays. Donc ça, mm-hmm. ça a été une influence, une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Mm-hmm. Alors, pour dire quoi ? Considérons que ça a été. Il y a des Hutus et des Tutsis, si tu veux. Alors, d'abord, il faut que les gens sachent qu'il y a ce qu'on appelle l'universalité de l'amour. Mm-hmm. L'amour est universel. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il ne choisit pas des histoires d'ethnisme ou de couleur ou de peau ou de pays. Non, ça c'est pas ça. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a ce que j'appelle la gratuité. La gratuité de l'amour. Mm-hmm. Donc, la gratuité de l'amour, c'est cet aspect de pouvoir aimer quelqu'un gratuitement. Il vient de le dire très bien. Il a aimé par gratuité. Mm-hmm. L'amour, c'est pas par rapport à cela. On ne peut pas se demander pourquoi on a aimé quelqu'un. Deux, il y a le choix de la personne. Mm-hmm. Il y a le choix de la personne. Mm-hmm. Le choix est personnel. Comme il a fait le choix, le choix est personnel. Ces histoires d'ethnisme ne doivent pas entrer dans les histoires d'amour, parce que l'amour, ça veut dire, est universel. Alors, mm-hmm. la dernière chose que je peux dire par rapport à cela, c'est le témoignage que ces jeunes viennent mm-hmm. de dire. Mm-hmm. Alors, il y a une chose, à forte pression de ces histoires d'ethnisme, mm-hmm. il y a quelque chose qu'il faut savoir. Donc, la première chose, c'est que ces jeunes, dans l'avenir, s'ils sont fondés sur cet aspect qu'un Hutu ne peut pas prendre une Tutsi, mm-hmm. ou bien un Tutsi ne peut pas prendre une Hutu, donc ça veut dire quoi? Il y aura deux problématiques de relation. Mm-hmm. La première problématique, c'est quoi? C'est qu'il y aura des problèmes de rencontre mm-hmm. amoureuse. Mm-hmm. Donc, les jeunes auraient un problème de rencontre amoureuse. Ça, c'est mm-hmm. la première chose. La mm-hmm. deuxième chose, ils auront un problème d'intégration amoureuse. Mm-hmm. Voilà un peu le problème qui va susciter dans les cœurs des gens à partir de cela. Donc, voilà, c'est un peu mm-hmm. ça. Sinon, on ne peut pas considérer ces histoires. Sans vous interrompre, ce que vous venez de dire, mm-hmm. ça s'applique seulement aux deux partenaires. Ouais. Il y a l'univers familial. Okay. Et on sait qu'ici au Burundi, les fêtes ou le développement du couple, mm-hmm. ça se discute, ça se parle au sein de la famille. Mm-hmm. Quelle est l'influence par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Alors, d'abord, la famille, ils doivent, ça veut dire, sortir de cet esclavage des fortes influences d'ethnisme. Ça, c'est mm-hmm. la première chose. Parce que c'est une forme d'esclavage psychologique. Mm-hmm. Parce que on doit pas, la famille doit savoir que leur enfant a le plein droit de choisir qui il veut. Mm-hmm. L'enfant a le plein droit. Le papa ou la maman fera des autorités sur toute forme et de dimension de votre vie, mais quand il s'agira de choisir quelqu'un qu'il faut aimer, le papa et la maman, ils doivent changer la mentalité, qu'ils n'ont pas le droit. Parce que, comme on le dit, les parents vont fêter, mais ils ne vont jamais t'aider à construire ton foyer. Mm-hmm. Parce que ton foyer, c'est personnel. Alors, ça serait malheureux d'aller faire le mariage avec celle ou celui que les parents veulent, non pas que celle ou celui ton cœur veut, mm-hmm. peu importe l'éthinisme. Ouais. Mm-hmm. Notre cher ami, ça fait combien de temps que tu es marié? Ça fait quelques mois, mais jusqu'à maintenant, ça va. Et ça faisait combien de temps que vous étiez en couple avec votre moitié? Quand j'ai terminé l'université, elle venait de terminer l'école secondaire. Mm-hmm. Et c'est là où nous avons commencé à planifier qu'un jour nous allons nous marier. Mm-hmm. Oui, oui. Est-ce que tu penses que la réussite d'un couple de Burundais, ça doit tenir compte de l'ethnie? Non, mm-hmm. pas du tout. Parce que moi, je n'ai jamais planifié de me marier avec une femme tutsi. Mm. Est-ce que tu pourrais la changer si ça venait que ça ne marche pas? Non, parce que vous savez, dans notre écriture, le fait des divorces, c'est interdit, et ça déshonore. Mm-hmm. Je vais essayer de voir comment résoudre. S'il arrive qu'il y ait des malentendus, mm-hmm. nous allons chercher comment laver ses linges en famille. Mm-hmm. Mais je vais vous dire que je n'ai jamais planifié de me marier avec une femme tutsi. Sûrement, et c'est venu comme ça, on s'est aimé, et c'est normal. Mm-hmm. C'est comme si, supposons que c'était une femme blanche. Mm-hmm. Si je pouvais me marier avec une femme blanche, une femme qui vient de la Chine, mm-hmm. c'est l'amour n'a pas de limite. Mm-hmm. Mais jusqu'à maintenant, nous menons une vie vraiment splendide, mm-hmm. extraordinaire, je veux dire. Extraordinaire. Oui. Madame a déjà compris que c'est extraordinaire. Ah ouais, l'extraordinaire de relation entre vous tous et tout aussi. C'est la meilleure, je vous dis. Oui. Ça, c'est la meilleure. Oui. Benny, parmi les jeunes qu'on a interviewés, mm-hmm. il y a ceux qui ont parlé de la crise que nous venons de traverser ici au Burundi, que peut-être elle a influencé le choix des partenaires. Ouais. Est-ce que c'est la crise qui a influencé ou c'est notre état, c'est notre vécu, c'est notre passé qui continue. Alors, c'est pas un prétexte. C'est quelque part c'est un prétexte, mais il faut savoir que peut-être les fortes influences qui ont marqué la guerre mm-hmm. ont causé des blessures psycho-affectives chez les jeunes. Les parents qui ont été tués par des gens d'ethnie contraire, tout consort, mm-hmm. ont influencé leur choix parce que nos comportements sortent de nos sentiments. Mm-hmm. Ça veut dire c'est nos sentiments qui influencent nos comportements. Alors je ne dirais pas que le choix de dire que je ne peux pas me marier avec une Tutsi ou un Hutu proviendrait de quelque chose d'affectivité, mm-hmm. mais ça a une histoire. Ça a une histoire, soit une histoire vécue, vue ou bien éducative. Ça fait mm-hmm. ça a une histoire. Alors, je dirais que les troubles que ces jeunes ont, ce sont des troubles de crise d'identité émotionnelle. Mm-hmm. Donc ça c'est clair, il faut thérapeutiser ces jeunes en fait de pouvoir sortir de ces blessures d'ethnisme et en fait d'avoir un bon choix dans leur vie. Oui. Je rappelle nos auditeurs qui sont en train de nous suivre qu'on est en train de parler de la charte nationale qui fête 26e anniversaire et qu'on a voulu toucher l'angle qui est souvent mis à côté, à savoir les couples mixtes. Notre cher ami qui veut garder l'anonymat. Oui. Quel message pourriez-vous donner aux familles qui des fois s'ingèrent dans les relations de couple mixte? Moi, je dirais que ces familles se trompent beaucoup. Mais quand même, il y a des cas où ça ne marche pas par rapport aux ethnies. Il ne faut pas aussi l'ignorer. Parce que ici, à travers les points de vue que vous êtes en train de donner, on comprendrait bien que c'est bien de se marier avec quelqu'un d'une ethnie différente. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Ne pas considérer les points de vue qui ont été dégagés par certains jeunes. Parce qu'il y a la crainte de la famille, la crainte du changement. Écoute, Alida, il y a une chose qu'il faut savoir. Mm-hmm. Il faut que les jeunes sortent de cet aspect que les parents ont un dernier mot sur leur choix conjugal. Ah oui, oui, oui. Il faut qu'ils sortent de cet esclavage. Parce que le choix est personnel. On dit à qui l'on dit, mon vieil à couer et qu'est-ce qu'on a couvert. Donc, ça veut dire quoi? Il va manifester, il va apprendre, il va avoir de l'argent lors de la dot. Mais il n'entrera jamais dans vos vies à l'intérieur. Donc, justement, vous touchez un point. Le parent peut parler de la dot. Notre cher ami, comment ça peut se passer? Non, avant d'arriver là-bas, mm-hmm. je voudrais vous dire une chose. Mm-hmm. Il faudrait, en tant que journaliste, mm-hmm. il faudra faire une enquête mm-hmm. pour voir, analyser les cas de divorce. Mm-hmm. Hein? Voir si les couples qui ont divorcé, que les causes ont été c'est l'ethnisme. Mm-hmm. Hein, vous comprenez? Oui, oui, je comprends. Parce que il y a des couples qui ont connu des divorces mm-hmm. et que les hommes et les femmes étaient de la même ethnie. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Donc cela peut être la raison qui fait que des familles refusent à les enfants de se marier, soi-disant que les ont des ethnies différentes. Mm-hmm. Non. La réussite incombe aux deux partenaires. Oui, oui, aux deux partenaires. Mm-hmm. Oui, parce que il arrive que déjà de la même ethnie s'entretient. Mm-hmm. Il arrive que déjà de la même famille s'entretient. Mm-hmm. Il arrive que des frères mm-hmm. s'entretient. Mm-hmm. Et un fils peut tuer son père. Mm-hmm. Vice-versa. Mm-hmm. En ajout par rapport à ce que notre ami est en train de dire. Donc, il y a un ajout que ce que je peux dire, non seulement les chiffres que peut-être des cas de divorce, parce qu'on observe des divorces par rapport à des dossiers déposés au parquet, mais il y a des divorces qu'on observe qui ne vont même pas au parquet. Mm-hmm. Alors, si on fait des enquêtes, c'est par rapport à des demandes de divorce qu'on observe. Mais il y a certaines régions, je ne dirais pas beaucoup de régions, mm-hmm. mais il y a certaines régions dans notre pays où la considération d'ethnisme est très, très fréquentée. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte pression derrière cela. Mais je ne dirais pas que c'est généralisé, mais il y a certains cas qui sont là et qui sont observables face à cela. Alors, je crois qu'il faut qu'il y ait des sensibilisations dirigées vers les parents, mm-hmm. dirigées vers les parents, qu'ils arrêtent de jouer les petits dieux au choix de leurs enfants. Mm-hmm. Ça veut dire ça n'a rien à voir. Alors, c'est vrai, il y en a au Burundi, mais c'est caché. Mm-hmm. C'est pas trop exposé, mais c'est caché. Mm-hmm. Vu que nous observons des mariages, moi j'enseigne des fiancés qui se préparent au mariage, mm-hmm. il y a des Hutus et des Tutsis, la majorité d'ailleurs, mm-hmm. la majorité sont des Hutus et des Tutsis qui se prennent. Mm-hmm. Donc pour dire que nous sommes en train de sortir de cette idéologie, mm-hmm. donc petit à petit, mais j'espère que peut-être à la longue, ils seront convaincus. On est en train de sortir de cette réalité. Vous le pensez concrètement? Ça a évolué? Où on se cherche encore? Il y a un pas à espérer. On peut rêver que le Burundi de demain, on pourra avoir beaucoup plus de couples mixtes. Moi, j'espère parce que quand cette personne a voulu s'opposer à notre mariage, cet acte a fait que beaucoup de personnes viennent nous soutenir. Mm-hmm. Oui, elles ont dit que vraiment, si ces deux personnes ont décidé de se marier, nous allons les soutenir parce que ils ont fait une chose noble. Mm-hmm. Est-ce que cette personne vous rend visite chez vous alors qu'elle sait qu'elle avait manigancé quelque chose? Elle vous rend visite. Maintenant, non, pas encore. Donc mais sais qu'il va venir. On pourrait dire que vous ne vous êtes pas encore réconcilié. Non, mm-hmm. pas du tout. Mais il va venir parce que chez moi, les portes sont ouvertes. Mm-hmm. Oui. Est-ce que je suis chrétien, mm-hmm. je l'ai pardonné. Mm-hmm. Voilà. Peut-être que le message. C'est pas de la haine. Le message qui passe à travers la radio Isanganiro va arriver à cette personne. Oui, est-ce oui. que vous pensez que l'unité qu'on prône ici au Burundi, ça mm-hmm. peut commencer par les couples? Yeah, exactement, ça ce serait un bon départ parce que le salut de la nation proviendra des familles. Sérieusement? Ouais. Là, peut-être que ça sera un sujet d'un autre jour, mm-hmm. mais le salut, le changement de cette patrie proviendra des familles, mm-hmm. de l'unité des familles. Mm-hmm. L'unité des familles ou couple? couple. Bon, couple. Si on dit couple, parce que couple, il y a des non-mariés. Hein? Mm-hmm. Mais si je considère des mariés, là, parce que les non-mariés, on n'est pas sûr que demain, ils ne vont pas se laisser. Mais quand on parle des couples, on sous-entend foyer, on sous-entend une famille. L'unité du pays, on peut l'espérer à travers les couples mixtes. Oui, oui, ça serait beau. Mm-hmm. Parce que l'unité commence par la famille. Exact. Ça va de la colline et de la région. Donc, on peut dire que si on est en train de subir quelques méfaits ici au Burundi, la cause est à chercher dans les familles. Oui, les gens se sont écartés, beaucoup écartés depuis l'indépendance. Même à l'époque coloniale, il y a des histoires pareilles, mais il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut évoluer, parce que ça n'a pas d'importance. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut garder ce mot pour la fin? Il faut évoluer pour espérer un monde meilleur pour notre pays. Ah oui, oui. Il faut évoluer de cette mentalité d'ethnisme, en fait. Mm-hmm. Il faut évoluer en sortant de cet esclavage de différenciation entre Hutu et Tutsi. Et comme ça, quand il y aura l'unité dans les familles et les couples, c'est sûr que dans le pays, il y aura toujours cette unité. C'est sur ce mot de la fin que nous clôturons cette émission. Merci à Bénine Daïchimie, conseiller conjugal, qui avait répondu à notre invitation. Merci. Merci bien. Merci à notre ami qui a voulu garder l'anonymat, mais qui nous a enrichi par son témoignage. Merci. Et merci également à votre moitié qui a permis que ce témoignage puisse être vécu. Merci à vous. Oui, merci. Merci, merci également à François Akimana qui a assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Alida Daikeza. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les www.isanganilo.org ou sur notre page Facebook Radio Isanganilo/Forum Jeune. Je vous dis à bientôt.